un son souffle, Riders qui ouvre les yeux, le système est actif, les coffres vibrent, les murs parlent, la machine s'éveille, machine s'éveille, la machine, chaque pièce a sa place. Chaque balle a un nom, pas de place pour l'hésitation, t'as 10 secondes pour respirer, et ensuite c'est trop tard, mon entrepôt est une arme, et j'en suis la gâchée. Riders Kale enclenche, le titan se lève, les basses cognent, les murs tremblent, tu pensais m'avoir vu. Riders Kale enclenche, le ciel s'assombrit, le sol.